Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la controversée réforme de l'assurance automobile du gouvernement Lévesque. Un gouvernement du Parti québécois proposera à l'Assemblée nationale, dès la première session, un nouveau régime d'assurance automobile qui épousera les grandes orientations proposées par le rapport Gauvin, qui sera administré à la base par une société publique appartenant à tous les citoyens. René Lévesque, le 26 octobre 1976, le chef du Parti québécois fera de la réforme de l'assurance automobile l'un de ses principaux engagements électoraux lors de cette campagne électorale de 1976. Le Parti québécois va remporter l'élection du 15 novembre 1976 et la réforme de l'assurance automobile, pilotée par la ministre Lise Payette, sera l'une des principales mesures adoptées par le gouvernement de René Lévesque au cours de son premier mandat. Au Québec, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouveau régime d'assurance automobile et le président de la régie de l'assurance, M. De Coster, donnait une conférence de presse à cette occasion et du même coup, il a rendu public les règlements et la grille des indemnités forfaitaires. Alors, c'est votre dossier, Michel. Donc, c'est-à-dire que depuis minuit hier soir, là, tous les Québécois sont assurés. Tous les résidents du Québec, les piétons, les conducteurs, même les gens si de Radio-Canada, même si on n'a pas nos plaques, c'est valable quand même. Bon, et ces règlements d'application, là? Alors, les règlements, il y avait plusieurs dispositions et notamment l'énumération des frais qui seront remboursables en cas d'accident. Alors, à première vue, à ce chapitre-là, on trouve à peu près tout ce que la régie de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation ne couvre pas actuellement. Oui, par exemple. C'est-à-dire les prothèses dentaires, auditives, oculaires. Votre dentier, mon œil de verre, les soins médicaux et paramédicaux spéciaux, les médicaments, les appareils orthopédiques, béquilles, plâtres, attelles, etc. Alors, la grille des indemnités, elle est très longue et très technique. J'ai retenu seulement trois exemples simples, c'est-à-dire amputation d'une main, on a 8 800 $, un pied 4 000. Même pour un pianiste, ouais. Même pour un pianiste, tout le monde tient à sa main de la même façon, d'après Mme Payette. Pour un pied, 4 800, pour une jambe, 11 200. Le maximum qui peut être payé en indemnité forfaitaire est de 16 000. À cela, on peut ajouter une indemnité pour perte de jouissance ou préjudice esthétique temporaire, le tout n'excédera pas 20 000. Bon, extrait de l'émission ce soir du 1er mars 1978, jour de l'entrée en vigueur du nouveau régime d'assurance automobile mis en place par le gouvernement de René Lévesque. Pour nous rappeler le contexte qui va conduire à cette importante réforme, j'accueille l'historien et politologue Jean-Charles Paneton, auteur, entre autres, de l'ouvrage « Gouvernement Lévesque, tome 1, de la genèse du PQ au 15 novembre 1976 », publié aux éditions Septentrion. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. Cette réforme-là va, je le disais d'entrée de jeu, va être une des principales réformes mises de l'avant par le gouvernement de René Lévesque. Plus que ça, est-ce qu'on peut pas dire, Jean-Charles Paneton, que cette loi-là, de la réforme de l'assurance automobile, va être une des plus importantes lois à être adoptée dans l'histoire du Québec moderne? Oui, c'est une des plus importantes. On pourrait peut-être la comparer à la loi 101, par exemple, ou on pourrait aussi la comparer à la loi de protection du territoire agricole, qui sont de grandes lois qui ont toutes été discutées, adoptées à la même époque par le premier gouvernement Lévesque. Effectivement, cette loi-là, elle a une portée encore aujourd'hui, même si parfois elle a été contestée dans l'histoire. Il n'en demeure pas moins que la portée de cette loi-là, c'est immense au Québec. Ouais. Une réforme en profondeur, d'une part. Un modèle unique aussi, d'autre part. Le Québec qui, avec cette loi-là, vraiment se plaçait dans une position unique, singulière, sur le plan de l'assurance automobile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle change concrètement, cette fameuse réforme de l'assurance automobile? Peut-être un petit rappel rapide sur ce qu'était la situation avant, disons, rapidement. Alors, c'était un système qui était évidemment privé et qui était basé sur la faute. Donc, il fallait d'une part établir la faute lors d'un accident, par exemple, et en la suite de ça, ça amenait les accidentés à devoir suivre un long processus, ne serait-ce que avec les compagnies d'assurance, avec les avocats, le processus judiciaire, tout ça faisait qu'on s'enfargeait souvent dans de très longs processus et ça faisait en sorte, en bout de ligne, que les indemnités n'étaient jamais versées ou pratiquement très peu dans un fort pourcentage aux accidentés comme tels. Donc, ce que la loi fait, c'est qu'en fait, c'est une universalité en fait des indemnisations. Tout accidenté aura droit à une indemnisation et c'est basé sur le fameux régime sans égard à la faute, le no fault, comme on le disait à l'époque. Et c'est peut-être ça qui a beaucoup dérangé jusqu'à un certain point là, de nombreux Québécois. Si on subit un dommage corporel à la suite d'un accident, il y a un barème, c'est l'État qui va nous payer. Oui. Ce ne sera pas un assureur privé. Non. On va recevoir tous les citoyens, c'est évalué avec des barèmes, reçoivent la même chose pour le même tort subi, la même blessure subie. Tout à fait. Subie. Tout est établi par des grilles, on l'a entendu. Donc, tout est établi et équitable envers tout le monde. Et tout le monde, donc l'universalité fait en sorte que personne ne se voit pénalisé par ce nouveau régime-là comme tel. Et on sort des procès interminables où c'est les assureurs qui se poursuivaient l'un l'autre et qui, pour l'individu X demandait telle somme et pour l'individu Y une autre somme. Oui, alors voilà, ça dépendait évidemment de la qualité de votre avocat, ça dépendait d'un paquet de facteurs qui faisaient en sorte que c'était aléatoire finalement ce qu'on avait et c'est surtout ce qu'on n'avait pas. La situation antérieure à l'adoption de cette loi-là faisait en sorte que souvent les cas les plus lourds, les accidentés les plus lourds, souvent étaient ceux qui étaient le plus pénalisés, qui n'avaient pas d'indemnité, alors que ce qui était plus facile à régler, des montants moindres, les compagnies d'assurance, elles, réglaient ces questions-là comme telles. Ouais. Donc, ça crée une injustice flagrante pour les accidentés. Et de fait, l'injustice, elle existe depuis déjà un bon moment, au moment de l'adoption de la loi sur la réforme de l'assurance automobile par le Parti québécois en 77. Ça existe depuis tellement longtemps que le dossier n'est pas un dossier nouveau, c'est un vieux dossier. C'est un vieux dossier qui traîne, oui. Voilà, le gouvernement Bourassa va essayer de s'attaquer à ça. Voilà. Un peu comme la question linguistique, ce sont des questions qui sont récurrentes, que plusieurs gouvernements ont tenté. Johnson, le gouvernement de Johnson l'a abordé. Bourassa a tenté à maintes reprises. Ouais. C'était Lise Bacon qui était ministre responsable à cette époque-là. Il va essayer à maintes reprises de travailler ça. On parle à l'époque de 7 ou 8 versions de projets de loi qui bloquent immanquablement au Conseil des ministres et donc ils n'arrivent pas à construire une loi qui puisse être adoptée et qui puisse être effective au Québec. Parce que les pressions sont très fortes. Entre autres, le cabinet de Robert Bourassa, 7-8 projets de loi. Les fonctionnaires ne croient même plus. On leur demande la répétition des lois. Exactement. C'est ce que Lise Payette dit dans ses mémoires. Elle dit, moi, quand j'ai abordé la question avec les fonctionnaires de mon ministère, on m'a regardé avec un grand sourire en disant, ben enfin, on va faire quoi? Une 9e ou une 10e version de quelque chose qui n'a jamais passé. Vous n'y arriverez pas. Ça passe jamais au Conseil des ministres. Ça ne passe pas parce que les groupes d'intérêt sont très puissants. Ceux qui sont derrière ça, évidemment, c'est les immenses compagnies d'assurance. Et puis, il y a aussi le Barreau du Québec, qui est un farouche adversaire de cette réforme-là. Déjà, en 65, écoutez l'extrait que je vous présente à l'instant. Le problème, il est bien connu. Le syndicaliste Fernand Daou, qui parle donc, en 65, de la nécessité de changer le système à l'émission carte sur table. Voici, moi, j'estime que le système actuel, en fait, profite surtout à deux groupes de personnes. D'une part, les actionnaires ou les propriétaires des compagnies privées d'assurance automobile, qui font des profits fabuleux, à mon sens, et d'autre part, les avocats, qui sont impliqués dans toutes les causes de réclamation. De nos jours, être propriétaire d'un véhicule moteur, ce n'est plus un luxe. Dans des milliers de cas, c'est même un outil de travail. Et on sait à quel point ça peut créer des perturbations dans le milieu familial, le fait de subir un accident d'automobile, que ce soit un décès, des blessures corporelles extrêmement graves ou des dommages. À un problème social de cette portée, il faut trouver des mesures sociales. Et je pense qu'il y a une seule mesure qui se présente à nous, c'est une régie d'État. Par exemple, en Saskatchewan, où il y a une régie d'État, il est prouvé que pour chaque dollar perçu, l'automobiliste reçoit en paiement de ses réclamations 80 sous. Alors que sous le système de l'entreprise privée, des compagnies d'assurance privées, ce montant-là est réduit à 60 sous. Donc, il y a 60 sous qui est remis à l'automobiliste et 40 sous de frais d'administration de toutes sortes, dont les profits. Alors, moi, je trouve ça très convaincant et très valable au point de vue argument. Il y a deux choses qui frappent tout de suite dans ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait de Fernand Daou, Jean-Charles Paneton, c'est la nécessité pour l'État de gérer ce type de problème qui touche les citoyens. Et c'est extraordinaire, puis on revient un petit peu à la situation antérieure au régime de 77, mais cet extraordinaire vache à lait qu'était le secteur de l'assurance automobile pour certains. Oui, c'était une vache à lait immanquablement pour les compagnies d'assurance, on l'a dit, et pour les avocats. Pour les avocats, c'était une affaire qui était très payante, effectivement. Et c'est d'autant plus difficile de faire cette réforme-là parce qu'ils sont farouchement opposés, comme on le mentionnait. Et donc, c'est très difficile. Alors, il y a eu des échecs, on l'a dit, au niveau du gouvernement Bourassa, mais quand Lise Payette dépose, en fait, son premier projet de loi, c'est un projet de loi, il faut le mentionner, qui est un petit peu différent de ce qui va être adopté par la suite. C'est un projet de loi qui présente un régime public complet. Mm-hmm. Et Donc, dommages corporels. Dommages corporels et ce qu'il appelait la ferraille ou d'autres disaient le pare-choc et tout, là, ce qui comprenait dommage aussi matériel. Les dommages matériels, effectivement, au départ. Et ça, ça correspondait à une volonté de toute une frange plus à gauche du Parti québécois. Et je pense même, sans me tromper, que c'est dans le programme même du Parti québécois qu'on propose un programme, un régime public complet. Forcément, il y a toutes sortes de tendances au sein du Conseil des ministres. On va débattre beaucoup de ça. L'évêque le dira dans ses mémoires plus tard. Les ministres avocats vont faire beaucoup d'obstructions au sein du Conseil des ministres. Ils vont d'ailleurs attaquer le projet de Lise Payette au départ, si bien qu'on en arrivera à un consensus qui va faire en sorte qu'on va présenter un régime qui va assurer les accidentés, les personnes, mais on va laisser tomber la partie tôle et ferraille. Comme ça, c'est le compromis qui sera fait. Ce qui est fascinant, c'est que donc, au Conseil des ministres, quand Lise Payette arrive avec ce projet de loi-là, elle rencontre finalement les mêmes objections de ses confrères ministres que Mme Bacon avait rencontrées de ses confrères ministres chez les libéraux. Ces gens-là sont sujets aux mêmes pressions des mêmes groupes. Absolument. Et il y a plusieurs similarités. Une femme ministre à l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Alors, Lise Bacon, donc, travaillait ce dossier-là. Lise Payette en hérite par la suite. Et effectivement, les mêmes oppositions vont se manifester dans les deux cas. Ouais. Opposition, beaucoup de... Aujourd'hui, peut-être que certains anciens ministres réécrivent un peu l'histoire, mais il y a eu des oppositions très importantes, très fermes aussi face à cette réforme-là. Un des rares qui est, dès le départ, qui appuie cette réforme-là, c'est Lucien Lessard, qui est le ministre des Transports. Mm-hmm. Qui appuie Lise Payette dès le début. Et bien sûr, l'appui indéfectible de René Lévesque sur cette question-là qui est déterminante et en fait qui en avait fait une promesse électorale en 76 et donc Lévesque, on le sait, est quelqu'un qui, lorsqu'il prend un engagement électoral, il tient à le mener jusqu'au bout, à le réaliser comme tel. Parce qu'en fait, à peu près tout le monde, au début en tout cas, autour de la table du Conseil des ministres, est contre. Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est dans les mémoires de Lise Payette. Alors, on fait un premier tour de table après avoir fait plusieurs rencontres, plusieurs conseils des ministres sur cette question-là où ça brasse fort, où on n'arrive pas à s'entendre du tout. Et à un moment donné, l'évêque en a assez de débattre tout le temps de ça. Et donc, on fait un premier tour de table et tous les ministres, à l'exception, je l'ai mentionné, de Lucien Lessard et de Lise Payette sont en faveur, mais tous les autres ministres sont opposés à cette réforme-là. Et rendu à René Lévesque, René Lévesque regarde tout le monde, mais il dit, je vous ai bien compris, on va de l'avant avec la réforme. Donc, tous les ministres ont opiné de la tête. Ce que le premier ministre veut, ça va se passer, ça va se faire. Ouais. Voilà. Donc, elle réussit à avoir son feu vert du Conseil des ministres, Lise Payette, mais là, elle entre dans une deuxième bataille qui va être aussi très, très importante, la bataille des groupes de pression. On a parlé la bataille de l'opinion publique. La bataille de l'opinion publique aussi. Comment ça va se passer? C'est dans toutes les grandes réformes qui sont faites, René Lévesque disait toujours à ses ministres, une fois que vous allez, on va s'être entendu sur un texte de loi, il faut par la suite que vous preniez ce projet de loi-là et que cette loi-là, que vous alliez à la rencontre des Québécois. Alors, il fait la même chose avec Lise Payette pour cette réforme-là d'assurance assurance automobile, pardon. Et donc, Lise Payette est confrontée sur le terrain à cette opposition-là qui est implacable. On refuse, les courtiers refusent, les avocats refusent et elle doit, malgré tout, expliquer aux Québécois, malgré ce contexte difficile-là, leur expliquer les grands bienfaits de cette réforme-là, la nécessité de procéder à la mise en place d'un régime d'assurance automobile. Ce qu'elle va quand même faire très bien, Lise Payette, c'est une journaliste à l'origine et tout, donc elle a une capacité pédagogique, une grande capacité d'expliquer, de convaincre, et elle va, malgré tout, réussir à convaincre dans une certaine proportion de Québécois là, du bienfait de la réforme. Oui. Mais il faut dire qu'un de ses adversaires, on y revient, mais le barreau, les avocats, pèsent très, très lourd dans la balance. C'est des gens aussi qui savent se faire entendre. Il y a des chiffres qui ont été publiés à l'époque sur, pour qu'on comprenne bien, sur ce que représente dans la pratique d'un avocat au Québec à ce moment-là, ce que représente tout ce qui tourne autour de l'assurance automobile, c'est énorme. C'est énorme. C'est des millions de dollars qui sont... En pourcentage sont... leur activité, là, je ne me souviens plus, mais c'est plus de 50 %, C'est je plus pense. De 50 %, effectivement. Et d'où la question du compromis, c'est-à-dire de couper la poire en deux. On ne voulait pas tout enlever non plus. On voulait quand même que la réforme se fasse et passe. Donc, on en laisse une partie sur la table, mais on ira de l'avant avec toute la partie... assurance des personnes comme telles. Ouais. L'autre, évidemment, grande question qui sera au cœur de ce débat autour de cette proposition de réforme de l'assurance automobile, c'est combien ça va coûter. Sur le plan financier, en fait, quel va être le coût de ce nouveau régime d'assurance automobile pour l'État, bien sûr, parce que l'État va prendre en charge les indemnisations pour les dommages corporels, mais pour les citoyens également. On écoute Lise Payette répondre aux questions de Simon Durivage à l'émission Econotech le 16 avril 1977. Est-ce que l'assurance automobile avec cette réforme-là, va coûter moins cher aux Québécois? C'est une chose que je me refuse à dire actuellement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ce qui concerne l'indemnisation des victimes au corporel, nous sommes en mesure de calculer à peu près exactement le coût de cette assurance et nous sommes surtout en mesure d'évaluer le bien rendu au public en échange pour le montant à payer. Et nous sommes convaincus d'avoir là un régime extrêmement généreux dans la mesure où toutes les victimes de l'accident automobile sont indemnisées immédiatement. Et c'est pour ça que je ne veux pas dire que les primes vont baisser, parce que elles vont baisser pour une catégorie de citoyens. Elles vont peut-être augmenter pour une petite catégorie. Elles vont certainement baisser pour les jeunes. Elles vont peut-être être un petit peu plus importantes pour un cultivateur à la campagne qui n'a jamais senti le besoin, par exemple, de s'assurer pour autrui, etc. Elles vont augmenter pour tous ces gens-là qui ne s'assuraient pas jusqu'à maintenant pour autrui. Collectivement, je prendrais le risque de vous dire qu'elles vont probablement baisser. Individuellement, dans certains cas, probablement pas. Collectivement, je crains qu'elles augmentent. Alors, nous nous reverrons dans 12 mois. Au final, Jean-Charles Panton, quel impact aura ce nouveau régime d'assurance automobile sur le plan financier? C'est la question centrale. On voit un peu l'hésitation de Lise Payette dans cet extrait. C'est difficile pour elle de répondre parce qu'ils sont beaucoup dans les chiffres. La mise en place même de cette régie d'assurance automobile du Québec-là, ils ont de la difficulté au gouvernement à l'évaluer. On parle de 350 à 370 millions pour la mise en place de l'organisme comme tel. Quant aux primes, ils ont beaucoup de difficultés et c'est le débat central. Et ouais, c'est là où Lise Payette a plus de difficultés à convaincre. Si elle est en mesure de convaincre sur les bienfaits même de la réforme, c'est plus difficile, par contre, d'aller au plan financier, parce que c'est là que les Québécois veulent savoir qu'est-ce que ça va coûter, tout ça. Alors, et puis, il n'y a pas de réponse unique. Ça, elle l'a dit bien, quand même. Il n'y a pas de réponse unique, mais on peut quand même dégager des tendances. Ce à quoi elle ne semblait pas vouloir répondre, ouais, c'est que dans l'ensemble, les primes dans la première année vont augmenter pour plus de la moitié des automobilistes québécois. Ouais. On parle de 85 $. Je ne vais pas trop donner de chiffres en détail, parce que ça pourrait être plus mélangeant qu'autre chose, mais disons qu'en dans un premier temps, plus de la moitié vont payer plus cher que ce qu'ils payaient au départ, auparavant. Il faut dire, pour être honnête aussi, que par la suite, il va y avoir quelques fluctuations au niveau des primes. Il va y avoir quelques baisses aussi, mm-hmm, des montants qui seront à payer. En tout cas, ce coût, cette préoccupation financière, le coût des primes, va être vraiment très, très présent lors du débat et ça va teinter assez fortement l'accueil que feront les Québécois à cette réforme. Comment elle sera accueillie, la réforme, une fois adoptée, une fois entrée en vigueur? Elle est plutôt, en fait, c'est près de moitié-moitié, en fait. Près de 50 % des Québécois n'acceptent pas cette réforme, sont contre cette réforme, puis un autre 50 % qui est en faveur. Donc, c'est un peu moitié-moitié, disons. Mais je pense qu'avec le temps, les gens voient les bienfaits de la, ouais, réforme et vont l'accepter, surtout quand on annoncera quelques petites baisses de, ouais, primes, ça va aider aussi. Il y a quand même, c'est une réforme en profondeur, on le disait, c'est une des réformes les plus importantes qui sera adoptée par le gouvernement du Parti québécois, mais dans les dernières décennies au Québec. Parce que c'est une réforme en profondeur, il y a une certaine complexité à comprendre de quoi on parle. Je vous propose d'écouter un petit extrait de différents interlocuteurs, des gens à qui on a demandé à l'émission Télémag le 20 décembre 1977 de réagir sur le principe même de la réforme, la fin de ce fameux « no fault », ce sans égard à la responsabilité. C'est encore tout nouveau, là. Voici comment c'était reçu, perçu à l'époque par les Québécois. Est-ce que ça vous semble, ça, un bon principe, de ne pas courir après le coupable? C'est un pas très bon principe, mais ça se pratique ailleurs avec l'entreprise privée. Beaucoup de gens vont dire, oh, à ce temps, je m'en fous, je t'assure, je t'assure. Je t'assure, il n'y a plus de danger. Bien, voyez-vous, on a la preuve à Saskatchewan, comme il disait, que les accidents ont diminué. En Colombie-Britannique, les accidents ont diminué. Après l'assurance du no-fault. Moi, je suis tout à fait en faveur du no-fault, comme ils disent, excusez, c'est mal dit, là. Mais je pense que, justement, pour éviter qu'il y ait des abus comme ça, parce que ça arrive quand on n'a pas voulu un accident, donc. Alors, on le voit, Jean-Charles Paneton, c'est pas simple, c'est pas clair pour les Québécois encore ce que ça va donner, cette réforme-là, et sur le plan de leur prime, et sur le plan du principe même. Est-ce qu'on veut ou pas changer aussi profondément le système en place? Concrètement, ça va vouloir dire quoi dans la campagne que Mme Payette mènera pour vendre sa réforme et dans la réception qu'elle aura? C'est le concept même du sans égard à la faute, le no-fault, dont évoquaient les gens qui ont été interrogés, est pas facile à comprendre au départ. On vit maintenant avec nous, donc on comprend bien cette philosophie-là, mais au départ, c'est pas facile et ça soulève toutes sortes de questions, entre autres sur les abus qui pourraient être commis lors de certains accidents, etc., etc. Puis c'est d'ailleurs cette question-là qui est au centre de tout et qui reviendra un peu plus tard dans l'histoire du Québec. C'est ce principe-là qu'on va questionner. Quand il s'agit d'indemniser, par exemple, quelqu'un dont la faute est évidente et, par exemple, les accidents liés à l'alcool et tout, c'est des questions. Le no-fault, à ce moment-là, se voit souvent remis en question. Un ministre libéral, Marc Bellemare, va justement, avocat, par ailleurs, de profession, va évoquer cet aspect-là. Quand on pose un acte criminel, parce que c'en est un, de conduire une voiture en état d'ébriété, est-ce qu'on peut encore avoir ce statut de sans égard à la responsabilité? C'est ça qui est en cause. Bien, oui, c'est ça qui est en cause, et c'est la contrepartie de rendre universelles les indemnisations. Oui. Si on veut protéger la grande majorité des accidentés, en fait, la totalité des accidentés, eh bien, il faut mettre de côté cette question-là de la faute. Sinon, on revient au système antérieur dont on a parlé tout à l'heure. Et là, on revient sur des processus, établir la faute, établir... Donc, on revient à la lourdeur des choses et on revient à un système qui indemnisera, comme ça ou pas, certains accidentés de la route. Marc Bellemare, ben, c'était, on le rappelle, c'est un ministre de la Justice en 2003 qui a tenté, lui, de remettre en question cette no-fault, ce système-là comme tel. Il n'a pas réussi, hein. Ça a été son grand échec. Et d'ailleurs, un an plus tard, il va démissionner. Marc Bellemare était ministre de la Justice, donc il va démissionner à la suite de cet échec-là. Cette incapacité-là à changer parce qu'on n'a pas trouvé de système qui soit meilleur. Et on voulait, je pense, certainement pas revenir au système antérieur à cette grande réforme-là. Question qui va vous paraître peut-être un peu étrange, mais candide. Est-ce que, autant d'années plus tard, est-ce qu'il n'y a pas encore largement une bonne part d'incompréhension de ce qu'on a changé en 1977? Peut-être chez les plus vieux, là, ceux qui ont connu l'ancien système, pour ce qui est du système d'assurance automobile du Québec. Je pense qu'il y a des gens qui ont effectivement jamais compris une génération. Effectivement, je pense qu'il y a aussi des plus jeunes qui ne comprenaient pas ou n'ont pas en tête, en fait, pourquoi ce régime-là, le contexte dans lequel on a mis en place ce régime-là. Et donc, oui, il y a une méconnaissance constante et il y a toujours au sein de la société québécoise un courant plus déconstructiviste de l'État québécois et l'assurance automobile ne fait pas exception à ça. Mais malgré tout, elle a permis d'indemniser tous les accidentés de la route depuis bientôt maintenant 40 ans. Donc, c'est une grande réalisation, si on peut dire. Ouais. Jean-Charles Paneton, historien, politologue, merci beaucoup de votre participation. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.